Exercice 7, page 96. Virelangue. Hortense rentre encore en forçant la porte. Hortense rentre encore en forçant la porte. Hortense rentre encore en forçant la porte.